بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الثالث وعشرون. 23e leçon. على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد، كنا في نص يتعلق بالتطور الصناعي في العالم، فالآن سأسألك عن الكلمات الجديدة. ما معنى تطور؟ خطا يخطو اجتهاد الفخارية يعتمد اعتمادا القدم تحسين amélioration صبا يزبو تتبع يتتبع يكتشف découvrir البدائية rudimentaire المراكب الشراعية الثورة ازدهار فائقة العقل الالكتروني mémoire. J'ai trouvé le mot en fait qui correspond, c'est l'intelligence artificielle en fait. Tout ce qu'on dit ce qui est attribué comme intelligence aux machines, on appelle ça l'intelligence artificielle. Donc, après j'ai réfléchi, je connais ce mot, et après je fais ah voilà, l'intelligence artificielle. Hein, t'as l'écran et en dessous t'es à l'époque t'as un écran et après t'as une grosse boîte là. Pour c'est ça qui réfléchissait dans l'ordinateur. Tu veux dire le... C'est pas la boîte mère. La tour. Je sais pas si c'est pas la tour. Non, la tour, non, c'est en bas. C'est pas la partie mémoire, c'est... En tout cas, là, le but voulu... L'intelligence artificielle. Ah, là où. Halla yahullo. قاس يقاسي مشقة وجود المشقة عانى يعاني مهد يمهد لا تستكس لا فات كما دي ستندر قطر انقطع ينقطع كل هذا التطور وهذا القدوم في الصناعة من فضل من؟ من فضل الله عز وجل وحده. ولا وهل للإنسان في هذا نصيب؟ أذكر الإنسان نصر لنفع أخذ بالأسباب التي الأسباب que الله سبحانه وتعالى lui a accordé sans quoi il n'aurait rien pu faire. طيب والخالق بالخلق المطلق والله ومعنى قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين que الله تبارك الله le meilleur des créateurs. Est-ce que cela inclut qu'il y a d'autres créateurs que lui? فما معنى الآية هل تعلم؟ ما معنى أحسن الخالقين؟ معنى في ظاهر الآية في خالق غير الله. بالنسبة مثلا الصناعة الإنسان في نقص. في وجه لكن وضح أكثر. أيوة. La perfection de la création, tu ne trouves que dans Allah. Moi, ce que les gens ils font, c'est pas tourner. Ça n'arrivera jamais au degré de la perfection. Il manque encore un petit peu. Shia al-Thaymin, il en parle en disant, en expliquant cela, en disant quoi, rahimahullah ta'ala, qu'en fait, khalq fi sunat al-insan, la création dans ce que l'homme fabrique, en fait c'est un tahwil. Juste, il change des choses d'une forme à une autre. Mais la matière première, il avait une matière première. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-khalq al-mutlaq, il n'avance de rien. Il crée à partir du néant. Pour moi, par exemple, l'insan, pour faire une voiture, il lui faut du métal, il lui faut les pièces, il lui faut le plastique, il lui faut ce genre de choses. Est-ce qu'il les a créés, ces matières-là? Il ne les a pas créées. Juste, il les prend, il arrive à les façonner un peu, à les extraire de leur lieu de ressource, il les façonne, il les modèle, et il en fait une voiture. Le fond de l'île-là. Mais si on enlève toutes ces choses-là, est-ce qu'il peut faire une voiture? Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas faire une allumette. Si on enlève le bois, même une allumette, il ne peut pas la faire. Rien, il ne peut rien faire. Si on enlève toutes les matières premières et les outils, il ne peut rien faire. Alors qu'à ce moment-là, il est à radacher un... Alors, il n'a même pas le ça juste une chose, soit elle. Ça n'a rien à voir par rapport à ça. Mais une haïsoua d'un tahwil, cela s'appelle de la création, quelque part. Mais une création, elle est restreinte, limitée. D'accord? Elle est limitée. أما الخالق المطلق هو الله هذا هو نعم تمام الآن سندخل في التدريبات الأول أكمل كما في النموذج يقول في النموذج توقف انتهاء توقف سي المصدر دو توقف سايتي انتهاء سي المصدر دو انتهاء ينتهي يتمني سايتي يقول التفكير لن لا تنتخو وخيرة الله لن لا ينتخو il faut placer ces deux masadir sous forme de verbe dans les trous donc c'est devenu التفكير لن توقف وخيرة الله لن تنتهي que la réflexion ne s'arrête pas ne cesse pas et les biens d'Allah ne cessent pas ne se termine pas. فَلَنْتَفَلْ نَفْسَ شِمْ مَهَا الْكَلِمَةِ الْأُخْرَى نُزُول وَنَمُوُّ الْأَمْطَار لَنْ وَالْحَشَائِشْ لَنْ كيف تقول الْأَمْطَار لَا تنزل لا نزول في المصدر ده كده بقى نزل اذا تقول اسم مضارع تنزل تنزل ايوه الامطار لن تنزل والحشائش الحشائش مش بتدخل في الفيرب لان ميم دون ديكسيونير لا كتاب مش بتدخل parce que c'est nama yamnu لم تنمو تنمو comme Raja Arjou. Ahmed. Demain, Yannou. Je pense. Je suis pas sûr. Wallah alam. Seul. Wusulun safarun. Que le train ne va pas arriver et que Suleiman ne va pas voyager. Fathun iqla'un. Len. Len yaftaha. Len yaftaha. La. C'est. Len. Aya. C'est le verbe, c'est aqla'a yuqli'u. Idhan. Yuqli'a. Al-maqsuduhu an tastamila len. كلمات لن تفرنا تفزي لن كي حرف نصب ونفي واستقبال كي هي لد دو نيغاسيون بارتيكول دو نيغاسيون دو نصب اي دو فيتور سادير كيل سير ا دو نيغاسيون دون لو فيتور je ne vais pas faire ceci ne va pas se passer cela ainsi de suite et que le verbe qui vient derrière لن il est منصوب ما هي علامة النصب فقط اي هذه العلامة الأصلية فسي لا signe d'origine, c'est la fatha. Oui, là. Fil fial. Un verbe. Le verbe, il ne mentionne qu'avec une fatha. Il n'y a pas autre chose qui remplace la fatha. La fatha, il y a une fatha. Qu'est-ce qu'il y a une masque? Yaf'alouna, taf'alouna. Yaf'alani, taf'alani. تفعلين كمان للناس كمان tu vas dire مثلا une femme à une femme tu dis tu ne feras pas cela حذف النون حذف النون طلب النون التدريب الثاني كون خمسة جمل كما في المثال مستعملا الفعل خطأ. Donc fais 5 phrases en utilisant le verbe, comme dans l'exemple, en utilisant le verbe khata qui veut dire avancer. Al-mithal, laqad khata al-alam khutuwatin kathira ou kabira. Que le monde a avancé à grands pas. Aywa. Tafadhal. 5 phrases. Qu'as-tu écrit? Vous n'avez pas compris? J'ai changé. C'est ça. Enlève la. Ah! Toute ta phrase, elle a changé. Amché, c'est pas un alem. On veut que tu utilises khata. Attention. Il veut que tu utilises le film khata. Pas le mot alem ou alim ou aïda zalika. T'as compris le verbe khata? Fadal. Improvise. T'as un hadith qui peut t'aider. Technologie. Ces mots-là, tu ne les trouveras pas dans le dictionnaire arabe. Dis-sina. Dis-sina. Naam. Un Messie d'avancer à grands pas. نعم. لقد أخذ الصناعة صناعة سيارة خطوة كبيرة. نعم. الذي يمشي للمسجد إيش يفعل؟ لم يخطو خطوة إلا رفع بدرجة. هذا الفعل. ثالث، املأ الفراغ بما يناسبه من الكلمات. Donc comble le trou avec ce qui convient comme mot. بدائي بذل يجرب يصبو فائقة ازدهار تطور توقع مهد اكتشف. الجملة الأولى، دخل المدرس الفصل و لدرسه بقصة جميلة. Que le Moudaris est rentré dans sa classe et pour son derf par une belle histoire. Taïeb, on va revenir dessus. On marche par élimination. Mais de l'autre côté, celui-là. Tu dirais, ouais, y a Bada'a ou... Il n'y a pas Bada'a. Et là, il ne dit pas, il dit Li Dersihi. Attention. Il y a un Hafaja. C'est pas quand elle est Bada'a Dersahu. C'est leader si, tu dis pas bada leader si. Mahada? Ah, c'est pas égalisé. C'est mahada? On va revenir, on va faire par élimination. Hein? Inch'Allah, t'inquiète pas, tu tomberas pas dedans, Inch'Allah. Deuxième. Tatayur et ta'ira bisul'atin. Afwan. Tatiru. Et ta'ira bisul'atin. Suratin, l'avion vole à une vitesse. Allez, face à celui-là. Dans le texte, il l'est. Avec le même mot sur'a et après le mot yanaya. Le même. Faïqa. Faïqa. Déjà, faïqa, tu le barres. On ne veut plus entendre parler. Thalithan, inna tafkir sadiqi tafkirun fa huwa la yusaddiqu bil iktishafat. Donc il dit el hadith afan. Que la réflexion de mon ami est une réflexion, tu mets le mot. Que lui, il ne croit pas par les découvertes nouvelles. Donc ça rapporte avec un truc ancien. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ibda'iyun. Un nid à l'ancien, rudimentaire. Pas même. Celui-là, chut, de côté, on ne peut plus entendre parler. Inna suna'ata fil alam. في هذا القرن واضح. طيب إن بتخو الصناعة في العالم في هذا القرن واضح. Certes, l'industrie dans le monde en ce siècle est claire. Là. Là. Là, il faut un mudaf. ما هو ازدهار معنى ظهره قلنا celui là de l'autre côté on ne veut plus entendre parler. بعض لقد شهد العالم ها نترو ملحوظا في نقل الاخبار le monde a sa constaté ملحوظا في remarqué une chose qui a été remarquée dans la propagation diffusion des nouvelles. نعم une évolution remarquée ou remarquable dans la diffusion des infos et des mensonges aussi. Hein. C'est devenu l'un des plus grands moyens d'endoctrinement aujourd'hui, la diffusion des nouvelles, les médias. Car les moyens sont certes évolués, mais les objectifs sont certes assombris. Allez, on sort un mensonge de l'autre bout du monde. Et les gens, ils y croient tous en l'espace de quelques secondes. Non. Parmi les gens qui sont châtiés, Yom El Qiyama, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une personne qui sort de chez elle et qui propage un mensonge qui fait le tour du monde, qui atteint les horizons. Combien aujourd'hui tombe là-dedans? Aujourd'hui, tu prends ton Jawel WhatsApp. C'est un truc, tac. Ça arrive en Chine. En deux secondes. Et en Chine, lui, il fait envoyer un groupe. Pshit, halas. Une minute après, combien le savent? Les moyens aujourd'hui, quand même, de diffusion, ils sont énormes. T'envoies un mail, t'envoies un message WhatsApp, t'envoies un message kaza wa kaza. À l'espace de quelques périodes très courtes, beaucoup de gens savent beaucoup de choses. Vrai ou fausse? Ça a des scènes. Donc là, t'as le trou, hein. Al-alim, ikhtira'ahu, marrat adida, hatta yassila, ila natija. Donc, là, il y a un mot à mettre. Elle monde ses inventions plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il parvienne au résultat. Jarrab. Ou yujarribo. C'est, il a essayé. Là, c'est l'alim, là, c'est pas l'alam, c'est l'alim. Mais là, quand l'alim veut dire sûrement là, l'ingénieur ou le. Ça, bien. Akhbarani bi annahu fara nukoudan kabiratan walakinahu lam yuwaffaq fi tijarati. Donc, il m'a informé qu'il a. Beaucoup d'argent, cependant, il n'y a pas été accordé le succès dans son commerce. Ma wal fi'al. Arslan, ce mot, on l'a pas pris dans le texte. ما هو Badala. Badala. Ça, c'est se vouer. De quoi? Dépenser aussi. Hein? Dépenser aussi. إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان الإنسان ويربيه كفورا. ce qui gaspille sur les frères de Shayatin, Shaytan était mécréant envers son Seigneur. من بذلة, on va dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais là dans le gaspillage. ولا تبذل تبذيلا. ثامنا, le trou, الإنسان محمو Mahdouda, le statiro en yazida anha. Donc là, il faut un ism tamoudo filahi. Une chose de l'homme est limitée, il ne peut pas la dépasser. Quelle est-elle? L'énergie que l'insane il ne peut dépasser son taux énergétique, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. Tassiren, kull insanin, il est ma huwa ahsan. Tout homme, toute personne, vers ce qui est meilleur. Ma hu, naam, yasbu, convoite. عاشرا تعال تخو الإنسان طاقة قوية في الكهرباء que là t'as un verbe que l'homme une grande énergie dans l'électricité. ما هو Il reste que deux. Il y en a un qui est dans la première phrase et un dans la dernière phrase. Il est facile. Là, que l'Insan, une grande source d'énergie dans l'électricité ou avec l'électricité. Il nous reste deux verbes. Iktashafa, il a découvert une grande source d'énergie par ou dans l'électricité. Fal-awwal wa mahada. Que le mudarris, tayyib, naam. Rabia. Sûrement dans le sens de. En guise de. De. Comment dire, d'introduction au Sonders, pour commencer Sonders, peut-être. Parce que là, c'est à part du début. Dakhal al-Mudarrisu al-Fasla, wa mahada l'idersihi, bi qissatin jamila. Ouais, t'as débuté Sonders, comme une forme d'introduction ou quoi, par une belle histoire. طيب رابع استعمل كل كلمات من الكلمات التالية في جملة مفيدة. تستخدمه souvent dans des phrases sensées. العقل الإلكتروني يعني الانتليجنس ارتيفيسيال. ترك الناس العقل القلبي في عقل Naam. Que les gens ont délaissé la raison du cœur pour la raison artificielle, l'intelligence artificielle. Thanien, iktashafa. Iktashafa l'alam, al-tatawwur, يكتشف العالم التطور بالجد بالجد ليل ونهار ليلان ونهار ثالثا الفخارة تصنع الفخارية بالتين لا فخارية هي صفة c'est le l'adjectif qualificatif d'un mot مع تحية دماج افاق.com